S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. La bière, une fois. La bière, deux fois. La bière, trois fois. La bière, en somme. La bière, la bière, la bière, la bière. La bière, la bière, la bière, la bière. Je suis venu chez toi. Tu m'as offert une bière. Il n'y avait plus de bière. Et je ne sais rien faire. La bière, la bière, la bière, la bière. La bière, la bière, la bière, la bière. La bière, la bière, la bière, la bière. La bière, la bière, la bière, la bière. Je suis venu chez toi. T'as aimé ma bière. C'est dommage, elle est bonne. S'il vous plaît, où est la bière? Elle était très bonne. T'as pas aimé? Tant pis, c'est bon. Tant pis, ouais, j'ai plus rien dit. La bière. La bière, la bière, la bière, la bière. La bière, la bière, la bière, la bière. La bière, la bière, la bière, la bière. La bière, la bière, la bière, la bière. Bière, bière, bière, bière, bière, bière. S'il vous plaît, la bière, la bière, la bière, la bière, la bière, la bière, la bière, la bière, la bière, la bière, la bière, la bière, la bière, la bière, la bière, la bière.